Les contes de la Bécasse, de Guy de Maupassant. Le premier de ces contes, qui a donné son titre au recueil, dévoile en fait le procédé littéraire par lequel les contes suivants sont rassemblés. Le baron de Ravaux, ancien grand chasseur, doit se contenter, pour satisfaire sa passion, de tirer de sa fenêtre des pigeons lâchés à intervalles imprévus par son domestique. À la saison des chasses, il réunit ses amis pour se faire conter leurs prouesses. Puis, disposant sur le col d'une bouteille une sorte de tourniquet sur lequel est épinglé le crâne d'une bécasse, il fait pivoter l'appareil et le bec de l'oiseau désigne en fin de course celui des convives qui devra raconter une histoire. Voici les cinq que j'ai choisis et enregistrés pour vous. Ce cochon de Morin, farce normande, les sabots, en mer, le testament.